Chapitre 2. Les mercenaires visent la destruction de l'ordre et le retour au chaos primordial. En cela, ils nous sont plus étrangers que les plus sauvages monstres de la forêt d'ombreuse. Edwin Tililan, discours aux aspirants de la Légion Noire. Le repas fut l'occasion pour Shyamvit de lier connaissance avec les membres du groupe. Il dut admettre, presque malgré lui, que les personnages qui l'entouraient sortaient de l'ordinaire. Il avait déjà entendu parler, lors de ses précédents voyages en Gwendalavir, d'Edwin Tililan, maître d'armes de l'Empereur, et ne doutait plus des talents d'Elana Kaldin. Il découvrait maintenant d'où Omnilergue, vieillard bourru, à l'esprit pénétrant malgré la fatigue qui l'accablait. Et Artis Valpierre, le premier rêveur qu'il ait jamais rencontré. Il fut étonné de constater que Bjorn et Maniel, bien que pesant chacun 3 ou 4 fois le poids d'un Faël, avaient une conversation agréable. Mais ce furent les deux jeunes gens qui lui causèrent la plus grande surprise. Le garçon, Salim, avait la même couleur de peau que lui, et Shyam le soupçonna d'avoir un Faël parmi ses ancêtres. Les unions entre son peuple et les humains étaient rares, mais fécondes. Les sangs mêlés existaient. Demi-Faël ou pas, le garçon bouillonnait d'une telle énergie que Shyam se demanda ce qu'il deviendrait une fois adulte, s'il ne se cassait pas le cou avant. La jeune humaine était encore plus singulière. Elle se prénommait Camille, mais, plusieurs fois, Shyam avait entendu Maître Douhomme l'appeler Willan. De prime abord, on ne remarquait d'elle que la grâce de son visage et la beauté de ses grands yeux violets. Puis, insensiblement, on était attiré par l'aura qui se dégageait d'elle et qui était tenue en bride par la partie encore enfantine de son être. Elle pouvait se comporter en gamine et, une seconde plus tard, montrer une profondeur de caractère étonnante, même pour une adulte. Ses compagnons, s'ils veillaient à ne pas la singulariser, prêtaient toutefois une attention particulière à ses paroles et à ses actes. Jusqu'à Edwin Tililan, qui ne la quittait pratiquement jamais des yeux. Shyam prit conscience, avec ahurissement, que Camille était le cœur du groupe, la raison pour laquelle tous voyageaient ensemble. Il se demanda qui était vraiment celle qui se tenait face à lui. Avant de lancer le signal du départ, Edwin et Maniel empruntèrent la passe de la goule et retournèrent sur les lieux de la bataille de la veille. Le maître d'armes désirait récupérer des flèches et s'assurer qu'aucun danger ne s'annonçait à l'ouest. Salim insista pour les accompagner. Après avoir hésité, Edwin haussa les épaules. « Comme tu veux, » accepta-t-il. « Le spectacle risque de ne pas être très joli. Ne t'en prends qu'à toi s'il te rend malade. » Les cadavres des Raïs gisaient toujours sur le sol et Salim découvrait avec écœurement la quantité de sang qui avait coulé. Des bêtes sauvages étaient passées par là durant la nuit et leurs ravages avaient aggravé ceux causés par les armes. Salim ferma les yeux. « Je suppose, » soupira Edwin en secouant la tête, « que si tu n'étais pas venu, tu aurais été malade de curiosité. À toi de voir ce qui est le plus supportable. » Un feulement rauque monta des herbes hautes, non loin de là. Edwin porta la main à la poignée de son sabre. « Un tigre des prairies !» murmura-t-il. « Il a dû dormir sur place pour continuer son festin la nuit prochaine. Demi-tour sans précipitation. Si nous ne faisons pas de mouvement brusque, il n'attaquera pas. Tant pis pour les flèches. » Ils regagnèrent à reculons la passe de la goule. Lorsqu'ils s'y furent engagés, ils respirèrent librement. « C'est gros, un tigre des prairies ?» demanda Salim. « À peu près comme un ogre qui se tiendrait à 4 pattes. Un peu moins haut, plus long, mais aussi lourd. » « La première fois que nous sommes arrivés ici, » se remémora Salim, « il me semble en avoir aperçu un, près de la forêt de Barahil. » « Vous avez eu de la chance, » constata simplement Edwin. Lorsqu'ils rejoignirent le camp, le chariot était chargé. Il avait été convenu que Salim mènerait l'attelage tandis que Maître Douhomme et Artis Valpierre se tiendraient à l'arrière. Camille retrouva Murmure avec plaisir, tandis qu'Elana montait le cheval de Hans et Shyam celui du rêveur, presque remis de sa blessure. C'est dans cet ordre qu'ils se mirent en route. À l'est des Dentelles Vives, la prairie était moins verte. Les hautes herbes pâtissaient du soleil brûlant de l'été et séchaient en se teintant de jaune. Les grands bosquets, toujours aussi nombreux, étaient formés de feuillus plutôt que de résineux. Ils virent une multitude de coureurs, ces petites autruches colorées, et une harde de siffleurs sauvages s'enfuit à leur approche. La piste était large, bien entretenue. Des chemins secondaires s'y raccordaient parfois, desservant sans doute des villages. Au milieu de l'après-midi, ils rencontrèrent d'autres voyageurs. Ceux-ci, au nombre d'une douzaine, chevauchaient vers l'ouest en encadrant une charrette chargée de coffres. Lorsqu'ils les croisèrent, les hommes portèrent la main à leurs armes. Edwin se contenta de leur adresser un bref salut. « Des vigiles escortent », expliqua-t-il lorsqu'ils se furent éloignés. « Ils sont sur le qui-vive. En ce moment, toute rencontre représente un danger potentiel, surtout si ce qu'ils convoient a de la valeur. » La chaleur devenait écrasante, et Camille fut reconnaissante à Elana de lui tendre un foulard bleu pour nouer sur ses cheveux. Ils traversèrent un village, puis un autre, avant d'arriver dans un gros bourg. Une halte aurait été fort appréciée, mais Edwin décida de poursuivre le chemin. La contrée était désormais constituée d'immenses champs de céréales, au milieu desquels se dressaient des fermes ressemblant davantage à des châteaux forts miniatures qu'à de classiques exploitations agricoles. « Mes grands-parents maternels ont une ferme comme celle-ci », expliqua Bjorn à Camille. « Le maître agriculteur peut diriger jusqu'à 50 ouvriers qui vivent sur place. Si tu ajoutes les femmes et les enfants, tu comprendras que la bâtisse est un village organisé pour se débrouiller seul, y compris lors des attaques de brigands. Pourquoi n'es-tu pas devenu fermier ? Ma mère a quitté l'exploitation pour épouser mon père qui avait fait fortune dans le commerce des peaux. J'ai grandi à Alchen, une ville au nord-ouest de la capitale, près du lac Chen. Mais j'ai passé beaucoup de temps à la ferme de mes grands-parents, d'abord à jouer dans les granges, puis à courir après les bergères. Plus tard, comme je n'avais aucune disposition pour le négoce, l'agriculture ou quoi que ce soit d'autre, j'ai appris le maniement des armes. J'ai acheté une armure, ma première hache, et je suis partie sur les routes. Il y a peu, j'étais persuadée d'être un parfait chevalier errant, fier et romantique. Je commence à comprendre que j'ai gâché pas mal d'années et d'argent, celui gagné par mes parents, en me cachant la vérité. Piètre acteur, j'ai joué un rôle peu glorieux qui m'emplit de repentir. Mais j'ai déjà eu l'occasion de te dire ça. Camille l'écoutait gravement, et Bjorn reprit. Je me demande pourquoi je te raconte de pareilles choses. Un adulte, même aussi puéril que moi, qui se confie à une jeune fille à peine sortie de l'enfance. Ce n'est pas courant, et peut-être même pas souhaitable. Allons, trêve d'égocentrisme. Parle-moi de toi, de ta vie d'avant, de ce que tu ressens maintenant. Camille se pencha pour flatter l'encolure de Murmure, puis elle prit la parole. Je crois que je n'ai pas grand-chose à raconter. J'ai l'impression de sortir d'un rêve. J'ai passé 7 ans à vivre au ralenti sans savoir que j'attendais de revenir ici. La famille qui m'a accueillie n'était pas aimante et, si j'en ai souffert, j'en suis désormais heureuse. Ainsi, la séparation n'a pas été douloureuse. Je n'ai pas eu d'autres amis que Salim, et je crois comprendre aujourd'hui que, pendant toutes ces années, je n'étais pas entièrement là-bas. Une partie de moi était restée à Gwendalavir et m'empêchait de m'intégrer complètement. Je me suis réveillée en arrivant, et mes souvenirs ne sont pas plus importants que des rêves que l'on fait la nuit et qui s'estompent le matin venu. Bjorn l'écoutait, bouche bée. « Mais quel âge as-tu ? » finit-il par dire, pour parler ainsi. « Je ne sais pas, Bjorn. Je ne sais vraiment pas. Peut-être 4915 jours, peut-être 14 ou 15 ans. J'ai parfois l'impression d'être un bébé et d'autres fois, je sais que j'ai plusieurs siècles. Est-ce important ? Ça ne m'empêche pas d'être moi, tu ne crois pas ? » Bjorn se frotta les yeux. « J'abandonne, Camille. Je ne suis pas assez intelligent pour discuter avec toi. Si tu veux, nous pouvons continuer à l'âge de combat. Sinon, je te serais reconnaissant de baisser un peu le niveau. » « Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es », se moqua Camille. « Tu as parfaitement compris ce que je te disais. » Mais le chevalier avait décidé de jeter le gant. Il lui adressa un clin d'œil et talonna son cheval pour se placer à la hauteur d'Edwin. En début de soirée, une troupe armée se porta à leur rencontre. « La garde impériale !» annonça Edwin. Il y avait là 6 soldats impressionnants, portant des armures rutilantes et montant des chevaux de guerre. Celui qui les dirigeait leva un bras pour leur intimer l'ordre de s'arrêter. « Bonjour » lança-t-il d'une voix forte. Pouvez-vous me dire ce qui vous conduit sur cette route et quelle est votre destination ? Nous sommes au service de l'Empereur, annonça Edwin. Et nous nous rendons à Eljet. Le guerrier cuirassé eut un mouvement de surprise. Il se mit au garde à vous. Général Tilly-Elan, balbutia-t-il. Je ne vous avais pas reconnu, excusez-moi, je suis désolée. Et le voilà général maintenant, railla Salim à voix basse. Il ne manque plus que le costume de pape à sa panoplie. Edwin tranquillisa le soldat d'un geste. Il n'y a aucun problème. Vous ne pouviez pas savoir qui nous étions, et vous faites votre travail. La route est-elle sûre jusqu'à la capitale ? Oui, mon général, nous n'avons pas d'incident à rapporter. Et après le fleuve ? Nous avons des postes fixes jusqu'à Eljet. Désirez-vous que nous vous escortions ? Edwin réfléchit un instant, puis secoua la tête. Ce ne sera pas la peine, merci. Nous avons eu des accrochages entre Alvor et les Dentelles, des bandits et des ogres dans les collines de Taj. Le soldat eut l'air gêné. Cette zone n'est pas sûre, mon général, mais nous ne sommes plus assez nombreux pour la surveiller. Nous avons reçu des ordres pour restreindre notre rayon d'action. Nous n'assurons plus que des patrouilles entre le Polymage et les Dentelles vives. Je comprends, le tranquillisa Edwin. Bon courage. Merci, mon général. Bonne route à vous. Les gardes impériaux se rangèrent sur le bord de la piste et Salim fit claquer ses rênes. Il se sentait fier de voyager en compagnie d'un personnage aussi important qu'Edwin. Il ne put s'empêcher de carrer les épaules. « Attention !» ironisa Bjorn. « Tu gonfles ? Tu vas finir par exploser !»